Ce panneau de « Céder le passage » comporte un panonceau sur lequel apparaît très lisiblement « Stop 150 mètres ». La confusion n'est pas possible. Je me dirige vers une intersection équipée d'un panneau stop. À 150 mètres, je devrais donc obligatoirement m'arrêter. Réponse A.